Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Une histoire de l'Ukraine, de la chronique des temps passés à la sombre actualité. Il n'est pas de guerre sans raison, sans prétexte, sans argumentation. Parfois c'est un vol, un affront, un impérialisme, le désir de conquête, la réponse à une menace. La crainte que l'Ukraine intègre l'OTAN est une des justifications du Kremlin pour envahir le pays. Mais sans cesse, dans ses discours, Vladimir Poutine revient sur des arguments historiques. Une actualité qui regarde en arrière, parfois de plusieurs millénaires, car l'histoire ne se raconte pas de la même manière vue de Kiev et de Moscou. Quelle est l'histoire de l'Ukraine vue du Kremlin ? Anne de Tinguy, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surprise de la présence d'arguments historiques dans le discours de Vladimir Poutine au moment de justifier son intervention, cette guerre en Ukraine ? Oh non, pas du tout surprise, parce que l'histoire a une importance tout à fait considérable dans les événements qui se passent en ce moment. En réalité, si on n'a pas présent l'histoire et l'historiographie, peut-être plutôt l'historiographie que l'histoire, on ne peut rien comprendre aux événements actuels. Donc tout d'abord, merci à vous d'attirer l'attention des auditeurs sur cette question. L'histoire, c'est toujours absolument nécessaire. Dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, c'est particulièrement important pour deux raisons. La première, c'est que l'histoire de l'Ukraine est compliquée, parce qu'il faut comprendre à la fois que c'est une nation qui est très ancienne et en même temps que c'est un État dont l'indépendance est récente. Et donc, nous allons développer cela. Et donc, c'est pas toujours très facile à comprendre pour les personnes qui ne sont pas spécialistes de ces régions, de ces pays. Et l'autre question, c'est que l'historiographie joue un rôle absolument considérable, c'est-à-dire que vous l'avez rappelé dans votre introduction, la lecture, l'historiographie russe est très différente de l'historiographie ukrainienne, et l'historiographie russe, en réalité, est celle qui a été diffusée dans tous les pays occidentaux. Finalement, l'historiographie russe, c'est celle que nous avons, nous, Français, appris à l'école. Et si on va jusqu'au bout de du raisonnement et de l'historiographie russe, eh bien, finalement, l'Ukraine n'est, Andreas Kappeler, qui est un historien allemand et qui fait référence à la fois sur la Russie et sur l'Ukraine, dit finalement, pour les Russes et pour beaucoup d'Européens jusqu'à une date récente, l'Ukraine n'est qu'une variante régionale de la Russie. L'histoire s'écrit. L'histoire de l'histoire, c'est l'historiographie. Elle s'écrit différemment. François-Xavier Nérard, vous êtes avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour réfléchir à cette lecture depuis la Russie de cette histoire de l'Ukraine, très présente cette histoire en ce moment. Oui, moi je voulais juste dire, j'ai pas été surpris par la mobilisation de l'histoire par Vladimir Poutine, mais j'ai été, je suis désolé d'être un peu de pathos, mais un peu bouleversé, surtout en l'entendant il y a 15 jours, lundi, quand il a fait son intervention à la télévision russe, où il annonçait, en fait, le prétexte était la reconnaissance des deux républiques séparatistes, mais en fait, sur une heure d'intervention, il consacre quasiment 55 minutes à l'histoire de l'Ukraine pour présenter l'Ukraine comme un État qui n'existe pas, un État failli. Et moi, ça m'a bouleversé en tant qu'historien parce que on se dit là, l'usage public de l'histoire, la manière dont l'histoire devient un moyen de faire la guerre finalement, parce qu'en l'écoutant, on comprenait que la guerre allait arriver. Moi, ça m'a interrogé en tant qu'historien. Quel est mon rôle? Comment je dois être publiquement? C'était quelque chose de très important, je crois. Oui, prendre la parole, se détacher de l'actualité qui est brûlante et qui nous intéresse, mais essayer de saisir ce qui se passe sur le temps long. Alexandra Goujon, quand Vladimir Poutine se saisit de l'histoire, François-Xavier Nérard vient d'évoquer cette attention que nous portons tous à l'utilisation publique de l'histoire. Nous n'imaginons pas chez nous un président écrire en fait l'histoire d'un autre pays tel que Poutine l'a fait, parce que c'est sa démarche. En juillet 2021, il a publié un très long texte, et particulièrement étonnant ce texte. Oui, alors c'est un essai. Tout d'abord, mentionner le fait qu'effectivement il est publié sur le site du Kremlin. Il est publié en trois langues au départ. en russe, en ukrainien et en anglais. Donc on voit bien la portée, c'est-à-dire que c'est à la fois une portée dans son propre pays, en Ukraine et dans le monde. Donc c'est une vision de l'histoire très très très particulière qui remonte, on va dire, aux temps anciens. Moi, ce que je constate, c'est que dans ce récit, Vladimir Poutine en fait prend l'Ukraine comme objet et non comme sujet. C'est-à-dire que les Ukrainiens ne sont pas acteurs de leur propre histoire. Et effectivement, l'histoire de l'Ukraine, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un territoire qui est ballotté entre plusieurs puissances, qui cherche la protection de plusieurs puissances et qui va se retrouver sous la coupe de plusieurs puissances, notamment la Pologne et la Russie. Et en fait, on a le sentiment que Vladimir Poutine ne supporte pas cette histoire récente, depuis 30 ans, où les Ukrainiens, en fait, se sont emparés de leur propre histoire, racontent aux élèves dans les écoles une histoire de l'Ukraine qui se distingue effectivement de cette historiographie russe et soviétique qu'on avait l'habitude d'avoir en Ukraine. Vous venez de l'évoquer, hein, sur un temps très long, Vladimir Poutine lit cette histoire. Alors, pas tant l'histoire de l'Ukraine, puisque, on l'a rappelé, pour lui, l'Ukraine n'existe pas en tant que pays, l'histoire de cette région. Nous allons en écouter un extrait de ce très long texte publié sur le site internet du Kremlin en juillet 2021. Les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses sont tous des descendants de l'ancienne Rousse, qui était le plus grand État d'Europe. Les tribus slaves et autres réparties sur ce vaste territoire, de Ladoga, Novgorod et Pskov à Kiev et Tchernigov, étaient unis par une langue que nous appelons aujourd'hui le vieux russe, des liens économiques, la domination des princes de la dynastie Yurik et après le baptême de la Rousse, la foi orthodoxe. Le choix spirituel fait par Saint Vladimir, qui était à la fois prince de Novgorod et grand prince de Kiev, détermine encore largement nos affinités aujourd'hui. Pierre-Marie Baudouin qui lisait cet extrait d'un texte de Poutine qui raconte cette histoire dans laquelle, Anne de Tinguy, il y a la langue, il y a la religion. Nous connaissons ces histoires-là pour nous-mêmes l'avoir vécu, cette construction d'une identité nationale où la langue et la religion ont beaucoup de place. Qu'est-ce que ça vous provoque comme réaction d'entendre cette histoire millénaire utilisée aujourd'hui avec la langue et la religion ? Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que Vladimir Poutine s'intéresse à l'histoire depuis très longtemps. En fait, il y a déjà plusieurs années où il a pris l'habitude, en définitive, de réunir les professeurs d'histoire. Je n'ai plus le souvenir de la première fois où il l'a fait, mais il a invité des historiens au Kremlin il y a déjà longtemps pour leur expliquer qu'ils avaient un rôle politique à jouer. Et donc, essayons d'imaginer en France un président de la République qui réunit des professeurs d'histoire pour leur expliquer qu'ils ont un rôle politique à jouer. Ça serait tout simplement une tempête et un refus de la part des historiens. Et puis, le second point, c'est que Vladimir Poutine lui-même s'est fait professeur d'histoire à plusieurs reprises. Et il y a eu une occasion où il s'est adressé directement aux enfants, notamment à propos de la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale. C'est un thème sur lequel il revient extrêmement souvent. Et donc, il y a un mélange des genres qui est absolument effrayant, en définitive, entre le politique et l'historien. Donc, il y a vraiment là quelque chose qui, pour lui, est tout à fait fondamental. Alors, la langue et la religion, bien sûr, ont un rôle particulier dans sa perception. Et la question de la langue, on peut rappeler, si on en vient à l'histoire immédiate, à l'histoire contemporaine, que, en fait, la langue, au départ, n'était pas un sujet en Ukraine, n'était pas un sujet qui était tant politisé que cela, parce que les Ukrainiens sont, pour beaucoup d'entre eux, probablement pour une majorité, n'est-ce pas, Alexandra, il me semble-t-il, sont bilingues. Ils parlent tous à la fois russe et ukrainien, et c'est absolument étonnant de voir, y compris dans les médias, des gens poser des questions en russe et avoir une réponse en ukrainien. Ça ne choque personne. Et en fait, la question linguistique est devenue une question politique, mais en même même temps, à l'heure actuelle, ça pour les Ukrainiens, ça n'a pas la même importance que ça avait il y a quelques années. C'est vrai que dans notre démarche, il y a deux angles à étudier. C'est le vrai, le faux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux ce que dit Poutine? Et puis surtout, comment il l'utilise? François-Xavier Nérard, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes un des auteurs de l'Atlas historique de la Russie avec Marie-Pierre Rey, que nous saluons aux éditions Autrement. Cette histoire de langue, de religion, là aussi nous sommes dans une reconstruction historique, une lecture de ce qui s'est passé, mais comme toujours, il y a un fond de vérité. Ce ne sont jamais des mensonges, sinon le mensonge s'effondre tout de suite. Ah ben, l'histoire est souvent une question d'interprétation. Là, l'extrait qu'on vient d'entendre, en fait, n'est pas follement original. C'est comme le disait Anne de Tinguy tout à l'heure, c'est l'historiographie russe telle qu'elle est fondée pendant le 19e siècle en Russie par les grands historiens russes, Karamzine, puis Solovyov et Kloutchevski, les trois grands historiens qui marquent le 19e siècle russe, qui créent cette continuité entre cette entité qu'est la Rousse de Kiev et la Russie du 19e siècle, au moment où cette Russie se modernise. Alors, il est difficile de parler d'essor national, mais bon, il y a un petit peu de ça aussi en Russie. On écrit l'histoire de ce pays qui est en train de se construire. Celui qui est fondamental, c'est Solovyov. Et Solovyov, il écrit au milieu du 19e siècle, au moment des grandes réformes d'Alexandre II, qui essaye de créer des institutions à l'échelle du pays. Et donc là, nécessairement, il y a besoin de créer du commun, et c'est à ce moment-là qu'apparaît cette grande continuité. Mais c'est une construction d'historiens. Au même moment, en Ukraine, vous avez, dans la partie autrichienne de l'Ukraine, Mikhail Grushevski, qui est professeur à l'université de Lviv. Lui écrit une autre histoire de l'Ukraine, qui est totalement différente et qui part sur la partie occidentale et le rattachement de certaines terres à la Pologne-Lituanie. Donc on est vraiment dans un moment... Et Poutine, en ça, voilà, il s'inscrit dans cette tradition-là et qui cherche pas à remettre en cause une tradition qui est ancrée au 19e siècle, qui est reprise... Alors, dans les années 20, c'est un peu plus compliqué, mais au moment en 1954, quand on célèbre les 300 ans de la réunion, enfin, ce qu'on présente comme la réunion de l'Ukraine et de la Russie, bah, cette historiographie-là qui présente un passé commun est remise sur le devant et perdure pendant de longues années en Russie. Ce qui fait que là, avec cette idée-là, il choque vraiment personne en Russie. Mais il ne choque personne. Alexandra Goujon, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, puis vous enseignez aussi sur le campus de Sciences Po à Dijon, et vous êtes l'auteur de L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre, c'est publié au Cavalier Bleu. Dans cette histoire, nous avons, mais effectivement, une construction historique par les Ukrainiens. C'est cette construction-là, avec la recherche d'une langue commune, ça gêne la Russie, mais bien avant Poutine, bien avant les soviétiques. Déjà, dans la Russie tsariste, il y a cette création d'identité nationale. Elle ne pose pas de problème du temps où la domination est effective. C'est aujourd'hui qu'elle pose problème. Elle a quand même posé plusieurs fois problème, parce que en fait, au XIXe siècle, on a aussi quand même un certain nombre de peuples qui, dans l'Empire russe, vont chercher à montrer leur distinction. Et en fait, d'ailleurs, dans l'Empire russe, on va souvent, et c'est ce que Poutine fait aussi, quand je disais tout à l'heure que l'Ukraine est considérée comme un objet, c'est-à-dire que pour Vladimir Poutine, les moments d'émancipation ukrainienne sont considérées comme une instrumentalisation par la Pologne. Et donc c'est toujours cette histoire que, en fait, les Ukrainiens ont été sans cesse, on va dire, manipulés jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que quelque part, aujourd'hui, on voit comment Vladimir Poutine considère que les élites politiques ukrainiennes, aujourd'hui, sont manipulées par l'étranger. Hein. Donc, mais il y a quand même des moments d'émancipation. Hein, et à la fin du 19e, on interdit de publier en langue ukrainienne. Ça veut bien dire qu'on voit là la possibilité, en fait, d'un mouvement national qui pourrait prendre un petit peu plus d'ampleur et éventuellement se politiser et mettre à mal la domination. Donc effectivement, enfin, on peut pas dire que le mouvement national ukrainien sous plusieurs formes, hein, qu'il soit culturel, linguistique ou politique, n'ait pas posé problème. Et d'ailleurs, on le verra, hein, les bolcheviks vont essayer de répondre à cela d'une certaine manière, parce que justement, il va falloir le gérer pour éviter qu'il y ait des formes d'éventuelles sécessions ou voilà d'éventuelles volontés de détachement, notamment au moment où l'Empire russe va s'effondrer. François Xavier Nérard. L'interdiction de l'ukrainien, enfin des publications d'ukrainien, enfin dans certains domaines, je crois que c'est pas voilà, date en fait d'après les révoltes polonaises du milieu du 19e siècle, 1863, où il y a très forte peur de cette indépendantisme polonais, et la répression de l'État central russe vise à consolider la présence russe dans la région et considérer que finalement l'Ukrainien, bon, c'est le même peuple, et donc on leur donne pas le droit à une spécificité. Et c'est pour ça qu'on... Parce que dans l'Empire russe, en fait, hein, l'expression d'une diversité nationale, elle existe, elle est complexe, mais elle existe. Bon, on a certaines... Alors, les Polonais, ils ont beaucoup de mal, mais d'autres, les Allemands ou les Finlandais, pendant longtemps, ont pu avoir une spécificité. Certains peuples de Sibérie, on leur donne des statuts autonomes. En fait, l'Empire russe n'est pas construit sur une logique nationale. L'Empire russe est construit sur une logique personnelle, c'est-à-dire tout dépend de l'empereur. Et c'est la fidélité à l'empereur qui détermine tout. Donc si vous êtes fidèle à l'empereur, vous pouvez exister, y compris avec des spécificités qui vous sont propres. Si vous n'êtes pas fidèle à l'empereur, à ce moment-là, bouf, ça tombe sur vous. Et c'est le cas des deux révoltes polonaises qui marquent le 19e siècle russe. C'est en cela aussi que les propos de Vladimir Poutine sont extrêmement intéressants. Anne de Tinguy, dans l'Empire des Tsars, bien sûr, il y a d'autres cultures. C'est ce que vient de rappeler François-Xavier Nérard. Dans l'Union soviétique, c'est une union avec d'autres cultures. Le fait que Vladimir Poutine pointe sur le cas ukrainien, une similitude, c'est bien dire l'Ukraine est la Russie, doit faire partie de la Russie. Ce n'est pas une composante d'un empire multiethnique. Oui, pour les Russes et pour M. Poutine, l'Ukraine est un cas particulier. En fait, l'Ukraine a toujours été, indépendamment des événements que nous vivons aujourd'hui, et si on remonte simplement à la période post-91, l'Ukraine a toujours été un sujet difficile, délicat en Russie. Et moi, j'ai un souvenir très précis des premières conversations que j'ai eues avec des collègues russes, tous bords politiques confondus, et c'est ça qui est tout à fait étonnant, après l'effondrement de l'Union soviétique en 91. Et aux yeux de la grande majorité d'entre eux, rares étaient ceux qui exprimaient une autre opinion, eh bien, l'Ukraine indépendante était une construction artificielle, c'était un pays complètement divisé, et c'était un pays qui n'était pas destiné à durer. Et donc, je veux dire, au sein de la population russe, il y a des convictions concernant l'Ukraine qui atteignent un paroxysme avec Poutine et avec son déni de l'histoire et notamment de l'histoire de l'Ukraine, mais qui explique aussi que finalement, pendant un certain temps, maintenant, peut-être est-ce que les choses vont changer, mais pendant un certain temps, le discours poutinien n'a pas tant choqué que cela beaucoup de Russes. Et donc, M. Poutine estime que l'État ukrainien est complètement illégitime. Il l'a dit en des termes extrêmement crus à plusieurs reprises. Dans le texte de juillet dernier auquel vous faisiez référence, il explique froidement que la souveraineté ukrainienne n'est possible que dans un partenariat avec la Russie. Et bien avant cela, il aurait déclaré au président Bush lors d'une rencontre en 2008 que l'Ukraine n'est même pas un État. Alors ça n'a jamais été confirmé par le Kremlin, mais ça n'a pas non plus été démenti, ce qui finalement revient à peu près au même. Si j'ai le temps, mais peut-être est-ce que vous préférez qu'on passe à un autre sujet. Allez-y. Je voudrais dire que là, cette construction de l'identité nationale ukrainienne, elle s'est faite progressivement au fil des siècles. Alexandra Goujon est revenue tout à l'heure sur le 19e siècle. Mais du temps de l'Union soviétique aussi. D'abord pour rappeler que l'indépendance de l'Ukraine date certes de 91, mais que la République socialiste d'Ukraine, soviétique d'Ukraine, était un des membres fondateurs des Nations Unies. Alors bon, sur le moment, en définitive, personne n'y faisait attention parce que ça avait été une manœuvre de Staline pour avoir un peu plus de voix. Il avait demandé qu'en dehors de l'URSS, il y ait aussi un siège qui soit donné à l'Ukraine et à la Biélorussie. Mais quand même, ça a alimenté une identité ukrainienne. Et puis, je rappelle souvent que dans le livre très connu d'Hélène Carrère-Dancausse, L'Empire éclaté, qu'elle a publié dans les années 70, il y a un chapitre sur les frères ennemis. Les frères ennemis, en réalité, c'était la Russie et l'Ukraine. Et donc, ça montre bien que, en fait, toutes ces tensions qui ont mené à la guerre et qui, encore une fois, sont exploitées de façon tragique par Vladimir Poutine aujourd'hui, tout ça n'est pas nouveau. Et bien sûr, il faut parler de Holodomor, j'aurais même dû, c'est la première chose dont il faut parler. Holodomor, c'est la grande famine de 32-33 qui marque profondément, tragiquement. On estime que le nombre de morts est entre 5 et 6 millions selon les estimations, et ça marque tragiquement l'histoire de l'Ukraine. L'histoire de l'Ukraine, vue du Kremlin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, et nous allons, dans cette série consacrée à l'histoire de l'Ukraine, préciser dans les autres émissions la Russe de Kiev, les origines, les Cosaques, Cosaques d'Ukraine, Cosaques de Russie, et puis l'indépendance ukrainienne pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous décryptons ce discours de Vladimir Poutine. Ces discours, puisque dans chaque intervention, il est question d'histoire. Autre extrait de ce texte de juillet 2021. Les bolcheviks ont traité le peuple russe comme un matériau inépuisable pour leurs expériences sociales. Ils rêvaient d'une révolution mondiale qui anéantirait les États nationaux. C'est pourquoi ils ont été si généreux dans le tracé des frontières et l'octroi de cadeaux territoriaux. Il n'est plus important de savoir quelle était exactement l'idée des dirigeants bolcheviks qui taillaient le pays en pièces. Nous pouvons ne pas être d'accord sur des détails mineurs, le contexte et la logique de certaines décisions. Un fait est clair comme de l'eau de roche. La Russie a été spoliée, en effet. Voilà, c'est un argument qui revient sans cesse. Ce sont les bolcheviks qui ont créé de manière artificielle l'Ukraine. C'est l'argument du Kremlin et qui justifie le fait d'attaquer aujourd'hui ce pays. Alexandra Goujon, cet argument utilisé aujourd'hui, est-il un argument que l'on retrouve du point de vue ukrainien? En tout cas, y a-t-il une contestation? Est-ce que c'est quelque chose qui surgit comme ça soudain, ou est-ce que cet argument a une histoire? Alors, c'est un argument qui est intéressant parce que, bien évidemment, en Ukraine, on va mettre l'accent sur le moment répressif de la période soviétique. Anne de Tinguy a rappelé ce moment de la famine ukrainienne, 32-33, il y a d'autres famines aussi un peu plus tard. Il y a aussi cette répression, très forte répression dans les années 30 des intellectuels, des élites politiques, de la aussi tout un moment de russification, c'est-à-dire de transformation de la langue ukrainienne pour la russifier la langue ukrainienne et faire de la langue russe une langue dominante en Ukraine. Après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des périodes, j'allais dire, à la fois plus permissives et plus répressives. Mais jusque dans les années 80, on a des dissidents, on a des intellectuels ukrainiens qui sont envoyés dans des camps pour avoir un peu trop exprimé, si je puis dire, leur sentiment national. À partir des années 30, on a toute cette politique stalinienne contre ce qu'on appelle le nationalisme bourgeois. Mais dans les années 20, En fait, cette création d'une Ukraine soviétique, elle passe par l'idée de ce qu'on appelle, en fait, en Union soviétique, les nationalités titulaires. Donc, comme l'a rappelé François-Xavier Nérard, hein, l'Empire russe puis l'Union soviétique, c'est multiethnique, multinational. Il y a certaines nationalités auxquelles on va accorder des territoires. C'est pour ça qu'on appelle titulaire d'un territoire, et qui vont donc disposer, comme l'Ukraine, comme les Ouzbeks, comme les Géorgiens, comme les Moldaves, qui vont disposer d'institutions politiques, d'une administration. Il y avait un conseil des ministres en Ukraine, il y avait un parlement, il y avait une académie des sciences, il y avait des unions aussi corporatistes, l'union des écrivains, l'union des artistes. Et par exemple, l'union des écrivains en Ukraine avait un journal hebdomadaire en langue ukrainienne. Alors qu'on ne se Il ne faut pas se méprendre par rapport à ça. C'est-à-dire que l'idée, quand même, parfois, était de faire de la culture ukrainienne et de la langue ukrainienne du folklore. Hein. C'est-à-dire de folkloriser un peu cette culture, parce que dans toute cette question de gestion des nationalités, la grande nationalité, hein, c'est la culture russe, la langue russe. Et cette question, on pourra revenir sur l'amitié entre les peuples, c'est très très paradoxal en fait, cette histoire d'amitié entre les peuples, parce que c'est une amitié qui est tout de même hiérarchisée, alors principalement sous la période stalinienne, un peu moins par la suite, mais les stéréotypes culturels qu'on a pu avoir pendant la période soviétique sur les Ukrainiens et sur la langue ukrainienne comme étant une langue de paysans qui, bien évidemment, n'était pas censée atteindre le niveau culturel de la Russie. À vous écouter les uns et les autres, peut-on dire que, eh bien, dans le discours de Vladimir Poutine, il y a déjà une démarche d'effacer un passé lointain de la création d'une nation ukrainienne? Non, nous étions tous dans ces temps anciens russes. Et l'Ukraine doit naître à un moment, François-Xavier Nérard, il faut une naissance, mais l'Ukraine ne naît pas d'elle-même, elle est une invention des bolcheviks. Les bolcheviks, de qui s'éloigne Vladimir Poutine sur ce point-là? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Alexandra Goujon tout à l'heure sur la vision poutinienne qui refuse aux Ukrainiens le droit d'écrire leur propre histoire. Ils n'ont pas de agency, comme disent nos amis anglo-saxons. Sur la période de la Révolution de 1917 et jusqu'au début des années 30, c'est une période très intéressante et très complexe. De fait, quand l'Empire russe s'effondre, il n'y a pas d'Ukraine à proprement parler, il n'y a pas de territoire qui s'appelle Ukraine, il y a un certain nombre de provinces de l'Empire russe qui relèvent de ce que pourrait être l'Ukraine, et il y a un moment où il y a une création d'un État. Alors les Ukrainiens, avec la Rada en 1917, tout de suite après la révolution de février-mars, créent d'abord une structure qui revendique une autonomie à l'intérieur de l'Empire russe, puis progressivement proclame l'indépendance fin 1917, début 1918. Et les bolcheviks vont, après moult hésitations, reprendre en gros cette définition de l'Ukraine telle qu'elle a été faite par nationaliste, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas par les gens de la Rada en 1917. La Rada, c'est l'Assemblée, c'est le Parlement, hein, ouais, la Rada. Le Parlement ukrainien tel qu'il se met en place après la chute de l'Empire. Et en faire donc l'un des États fondateurs de l'URSS. Donc de fait, en cela, Poutine n'a pas totalement tort. C'est bien les bolcheviks qui créent un État qui s'appelle la République socialiste soviétique d'Ukraine. Bon. Et après s'ouvre une période de ce que l'historien américain Terry Martin appelle de floraison nationale, alors qui concerne l'Ukraine, mais pas que l'Ukraine, et où on va mettre en valeur toutes les nationalités de l'Union soviétique, en leur donnant des possibilités, comme le rappelait Alexandra, de se gérer politiquement, administrativement et culturellement. Alors ça tire parfois vers le folklore, mais pas seulement. Hein, c'est quand même un moment d'éclosion culturelle, par exemple, de la littérature, du théâtre yiddish, par exemple, hein, pour en Ukraine et de la littérature ukrainienne. On a un théâtre ukrainien qui se met en place, qui a été bien étudié par ma collègue Mayil Fowler. Bon, il y a plein de choses qui se passent avec des autonomies régionales, enfin nationales, régionales, locales. On a en Ukraine des dizaines, des centaines de villages nationaux dans lesquels telle ou telle nationalité, qui peuvent être grecs, allemands, vont se gérer dans leur propre langue. Et c'est une politique qui cherche à répondre à la question nationale, puisqu'on est encore une fois en Union soviétique, comme dans l'Empire russe d'ailleurs, dans des territoires multinationaux très divers, et en Ukraine particulièrement. Tout ça, je termine, s'effondre au début des années 30. Et l'Ukraine en est une des principales raisons, c'est-à-dire autour au moment de la famine, au moment où Staline s'imagine qu'il va perdre l'Ukraine, dit-il, et il renonce à cette politique de valorisation nationale. Et l'Union soviétique revient dans le discours de Vladimir Poutine, Staline lui aussi. Ensuite, la veille de la Grande Guerre patriotique et après la guerre patriotique, Staline a rajouté des terres qui appartenaient à la Pologne, à la Roumanie et la Hongrie. Et c'était en quelque sorte une compensation en donnant à la Pologne des parties des territoires allemands. Et ensuite, Khrushchev a pris aux Russes la Crimée et l'a donnée à l'Ukraine. Alors là, c'est le discours de Vladimir Poutine du 21 février qui justifie son intervention. Je vous vois hausser les yeux, Alexandra Goujon, mais parce que tout est extrêmement cohérent et limpide dans cette argumentation, ce qui est tout à fait logique, c'est extrêmement réfléchi. Et donc, il y a des territoires qui ont été donnés, qui n'auraient pas dû être donnés. Toujours cette idée que la Russie a été spoliée. Oui, moi, ce que je trouve intéressant dans ce discours, c'est à chaque fois, en fait, Vladimir Poutine explique que si l'Ukraine existe, c'est grâce aux autres, c'est pas grâce à l'Ukraine. Et même pendant cette période soviétique, lorsqu'il la présente, c'est comme si, en fait, la Russie avait tellement aidé l'Ukraine, alors qu'en Ukraine, non seulement il y a l'idée que, les Ukrainiens ont contribué en fait à la modernisation, à l'industrialisation. Et donc, ils sont véritablement des acteurs. Et puis, en dehors du fait que l'Union soviétique soit à ce point émancipateur de l'Ukraine, il y a quand même ces périodes sombres de l'histoire qui sont totalement effacées. C'est comme si, vous voulez, aujourd'hui, on présentait l'Ukraine existante comme ayant été aidée par la Russie. La Russie elle-même qui menace en fait l'Ukraine. Et j'irai même plus loin dans ce discours. En fait, Vladimir Poutine présente l'Ukraine comme une menace. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'idée que ce territoire s'est émancipé à défaut, que les Ukrainiens se sont émancipés ou ont développé une indépendance à défaut, mais c'est aussi qu'en fait, l'Ukraine représente une menace, et c'est pour ça, en fait, qu'il lance une invasion. Hein, il parle de projet anti-russe en Ukraine, ce qui est extrêmement fort, et moi, on reviendra peut-être là-dessus, c'est l'utilisation des mots, à la fois dans le discours, l'essai du mois de juillet, mais dans le discours du 21 février, c'est-à-dire des mots chocs qui sont faits pour choquer l'opinion publique internationale, pour essayer de montrer que l'Ukraine est une menace et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est de l'envahir et de l'occuper. Nazisme, génocide, ah oui. Armes de destruction massive, ce sont les mots qui sont utilisés. Oui. Anne de Tinguy, dans cette inversion des responsabilités, dans cette lecture de l'histoire, vue du Kremlin, comme je le disais, tout est cohérent, mais de manière logique, mais tout est inversé. Tout est inversé et le vocabulaire, ça je suis complètement d'accord avec ce que vient de souligner Alexandra Goujon, le vocabulaire qui est employé par Vladimir Poutine est tout simplement révoltant. parce que alors dans le discours du 24 février, il dit bien que son objectif est de dénazifier et démilitariser l'Ukraine, parce que l'Ukraine représente une menace pour la Russie, ce que personne n'a compris en dehors de lui. Et donc là aussi, il y a des références qui remontent à la Seconde Guerre mondiale. Nous le savons, ce thème de la Grande Guerre patriotique, comme les Russes appellent la Seconde Guerre mondiale, est un thème qui est très présent dans la politique de Vladimir Poutine. Il s'agit pour Vladimir Poutine de montrer que la Russie antifasciste a-t-il expliqué à de nombreuses reprises, a sauvé le monde, car la victoire sur le nazisme a été principalement le fait de l'Union soviétique. Alors personne ne nie le rôle de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme, il n'est absolument pas question de cela, mais il est question du fait que d'abord l'Union soviétique n'a pas été la seule dans la lutte contre le nazisme, et puis d'autre part que cette expression de sauver le monde qui est employé par Vladimir Poutine signifie très clairement qu'il s'agit de comprendre que la Russie fait partie des quelques grandes puissances du monde, et il y a tout un discours de Poutine là-dessus. Et puis une alliance entre Staline et Hitler aussi, toujours, qui est gommée dans cette histoire, François-Xavier Nérard. Sur ce vocabulaire nazi, dénazifié, génocide. Là encore, et nous le voyons très bien sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a énormément de débats, beaucoup de gens vont apporter des micro-éléments. Le bataillon d'Azov ukrainien qui est nostalgique des nazis, le génocide, ce qui se passe au Donbass, etc. Mais le vocabulaire choisi ne correspond pas à une réalité. Ce gouvernement nazi et drogué, c'est prendre un micro-élément, et je pense que dans tous les pays du monde, on pourrait dire c'est un pays nazi, vu qu'on trouvera toujours quelqu'un qui est nostalgique du nazisme. Oui. Il y a ce discours en Russie qui date de 2014, même un peu avant, sur l'influence de l'extrême droite en Ukraine, existence de l'extrême droite qu'on ne peut pas nier. De fait, il y a des partis politiques ukrainiens qui sont peut-être aujourd'hui, qui étaient avant la guerre, peut-être de moins en moins présents et moins en moins influents en Ukraine. Je pense que sur le dernier Parlement, ils disparaissent du Parlement et ils n'ont plus l'influence qu'ils ont pu avoir auparavant. J'ai peur qu'aujourd'hui, la guerre russe ait provoqué une relégitimation du discours de ces individus là, et je trouve finalement c'est une des conséquences malheureuses de l'action de Vladimir Poutine, qu'il finit par légitimer les ennemis qu'il prétend combattre. Je voulais aussi revenir au-delà finalement du discours historique de Vladimir Poutine dont on a beaucoup parlé, et bon, on voit bien que il y a des choses qui sont vraies, il y a des interprétations qu'on peut valider, avec lesquelles on peut être d'accord, d'autres pas. Bon, mais si on était sur un discours entre historiens dans un colloque pour savoir quelle est l'histoire de l'Ukraine, ça serait très bien, on pourrait en discuter sans problème. Le problème, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est un chef d'État qui base sa politique là-dessus et sur un discours qui est très fermé, c'est-à-dire qui ne prévoit pas le débat, mais qui érige une vérité, une interprétation de l'histoire en vérité historique de manière extrêmement fermée. Et je pense que Vladimir Poutine en personne joue un rôle important, mais je pense que derrière ça, il y a aussi le rôle de l'un de ses conseillers qui est Vladimir Medinsky, l'ancien ministre de la Culture de la Fédération de Russie, qui est devenu conseiller de Poutine en 2020, et qui a cette même conception de l'histoire, une conception, j'allais dire, verticale, du haut vers le bas, où on construit une histoire qui ne souffre pas de discussion. Medinsky, c'est l'homme qui... Il y a une histoire qu'on appelle les 28 Panfilovsky, qui sont des soldats qui ont défendu Moscou pendant la Grande Guerre patriotique, qui sont morts en empêchant les Allemands d'arriver à Moscou, qui seraient morts. Puisqu'on se rend compte un jour que ces gens-là, dont on avait parlé dans la Pravda, qui avaient été des héros de l'Union soviétique, on s'aperçoit qu'ils sont toujours vivants. Et on s'aperçoit, c'est les Soviétiques dès 48 s'en rendent compte. Bon, c'est tu. Et un jour, ça ressort, le directeur des archives russes ressort l'histoire. Enfin, bon, voilà. Et Medinsky, face à ça, donc on se rend compte que, enfin, on sait que ça n'a pas existé. En même temps, c'est un des grands mythes, enfin, un des grands récits de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Et Medinsky, quand il dit, quand on lui dit ça, il dit finalement, moi, je m'en fiche. Même si ça n'a pas existé, ça doit exister. Il dit même s'il n'y a rien eu, cette légende est sacrée, on n'a pas le droit de la salir. Ouais, la négation du débat historique, de la recherche même, c'est tout ce qu'a vécu l'association Mémorial, hein, nous le voyons bien, qui a été interdite en Russie. Anne de Tinguy, vous êtes professeure des universités émérites à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, c'est l'INALCO, chercheur au Centre de Recherche International de Sciences Po. Vous avez écrit « L'Ukraine, nouvel acteur du jeu international », mais c'était en 2000-2001, alors nouvel acteur, mais c'est très intéressant, hein, parce que ça veut dire que cet acteur est toujours présent. Et puis, La Russie dans le monde l'a publié aux éditions du CNRS. Peut-on dire que Vladimir Poutine s'inscrit dans une très longue lecture de l'histoire de l'Ukraine depuis les tsars, les soviétiques, et lui aujourd'hui, se sent-il l'héritier de l'idée impérialiste que la Russie doit s'agrandir et que l'Ukraine doit faire partie de la Russie? Ah ben oui, ça c'est au cœur de son discours, alors donc ça tout à fait. Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire François-Xavier Nérard. D'une part, pour rappeler que les partis d'extrême droite, l'histoire de la dénazification et des nazis en Ukraine, c'est un thème qui est déjà très présent en 2014 dans le discours de Vladimir Poutine, puisqu'il explique le changement de pouvoir qui a eu lieu en février 2014 à la suite de la fuite du président ukrainien Yanukovych en Russie. Il l'explique par un coup d'État opéré par les fascistes ukrainiens et les nazis antisémites. Donc c'est un discours qui était déjà très présent et qui ne correspondait pas à la réalité, dans la mesure où ces partis d'extrême droite, notamment on a parlé du mouvement qui s'appelait Secteur Droit, ont toujours été très minoritaires. Enfin, depuis au moment en 2014, il y a eu des élections en Ukraine, c'était 1 à 2%. Ça a continué, ils sont restés très minoritaires par la suite. Alors, dans le discours poutinien, ce qui est révoltant, c'est que, en fait, il désigne les Ukrainiens comme des nazis en expliquant que, là aussi, je cite le terme poutinien qui est extrêmement fort, en expliquant que les Ukrainiens effectuent un génocide du peuple russe. Et ça, ce terme de génocide, il est employé à plusieurs reprises. Il est employé dans le discours du 24 février, là où il annonce le déclenchement, le lancement de l'opération militaire, c'est-à-dire la déclaration de guerre à l'Ukraine. Et là, il dit « nous devions stopper le génocide de millions de personnes » qui vivent, et il parle du Donbass. Là aussi, c'est pas une idée nouvelle, puisque c'est déjà cette nécessité, entre guillemets, de protéger des populations russes qui avait justifié, qui avait servi à Vladimir Poutine et au président de l'époque, Monsieur Medvedev, de justifier la guerre en Géorgie en 2008. C'était un discours qui avait été réactivé en 2014 pour justifier l'annexion de la Crimée et l'intervention dans le Donbass, qui s'appuyait, entre autres, on parle beaucoup d'Odessa aujourd'hui, mais rappelons-nous que ce discours poutinien sur le génocide du peuple russe s'appuie entre autres sur un événement dramatique qui a eu lieu, un incendie qui a eu lieu à la maison des syndicats à Odessa en 2014, qui avait fait 42 victimes pro-russes et que les Russes ne cessent de rappeler pour affirmer qu'il y a bien un génocide des populations russes. Et donc là, on a un discours qui est vraiment complètement révoltant et qui est complètement faux, parce que, rappelons-le, les populations russes ne sont pas discriminées et ne sont pas menacées en Ukraine, et ce, depuis longtemps, pas seulement maintenant. Avec un discours de Poutine qui vise à détruire tous les arguments d'une nation ukrainienne, d'une identité ukrainienne, en inversant les responsabilités et en accusant, eh bien, cette fois-ci, les Ukrainiens de mentir quand ils racontent leur histoire. En substance, les cercles dirigeants de l'Ukraine ont décidé de justifier l'indépendance de leur pays par la négation de son passé, à l'exception toutefois des questions frontalières. Ils ont commencé à mythifier et à réécrire l'histoire, à supprimer tout ce qui nous unissait et à qualifier d'occupation la période où l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe et de l'Union soviétique. Un discours, le texte de Vladimir Poutine, plutôt de juillet 2021, Alexandra Goujon. Dans cette histoire-là, c'est vrai que c'est difficile de mesurer l'histoire d'une identité, mais les événements que nous vivons montrent, par l'action des Ukrainiens eux-mêmes, que leur identité, ils l'ont, que leur histoire, ils l'ont créée, ils l'ont intégrée. Et l'action même démonte tout le discours de Poutine, comme quoi il n'existe pas de nation ukrainienne. Oui, je crois que ce qu'il y a d'important, c'est que c'est une histoire courte, l'indépendance ukrainienne, hein, avec des petits rebondissements. On n'a pas, vous en reparlerez, hein, des Cosaques qui sont aussi mythifiés en Ukraine comme étant, voilà, un peuple guerrier libre, etc. On en a beaucoup fait référence déjà en 2014 où il y avait des Cosaques sur Maïdan. Cette indépendance de 2018, de quelques mois, mais 1918, pardon. Mais 30 ans, ça compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une génération, hein, de personnes en Ukraine qui n'a pas connu l'Union soviétique, une génération à laquelle on a parlé, si je puis dire, de l'histoire ukrainienne. Et en fait, il y a une nation civique qui s'est créée dans ce pays, avec une construction nationale, des fêtes nationales. Moi, je pense que cette idée quand même d'imaginaire national, bien évidemment, lorsque l'on regarde l'Ukraine de l'extérieur, on la voit d'une certaine manière, mais lorsqu'on la regarde de l'intérieur, c'est-à-dire si vous suivez les médias ukrainiens, si vous allez, vous suivez le cinéma ukrainien, le théâtre ukrainien, si vous allez dans les musées, on va vous parler de l'art ukrainien. Et ça se construit petit à petit depuis 30 ans. Alors certes, par rapport aux longues histoires des nations européennes, c'est sans doute un peu faible, mais effectivement, l'action a tendance à cimenter. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis 2014, et ça, il faut le rappeler, l'Ukraine est en guerre depuis 2014. Cette guerre de 2014, enfin l'occupation, l'annexion de la Crimée et le développement du séparatisme à l'Est, a choqué, déjà en 2014, une partie de la population qui ne se positionnait pas nécessairement dans une altérité à la Russie. Mais à ce moment-là, par exemple, dans le Donbass contrôlé par l'Ukraine, vous avez des personnes qui se sont révoltées, qui ont été choquées et qui ont commencé à adopter, j'allais dire, des attitudes de privilégier la langue ukrainienne alors qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Et donc, on a à la fois cette construction nationale qu'on va dire un peu par le haut, à travers l'historiographie ukrainienne, à travers un certain nombre de lois aussi mémorielles qui peuvent être controversées sur la décommunisation, etc. Ce que on voit dans le texte, cette histoire de négation. Et puis aussi des formes d'identification en fait par le bas de personnes. Et là, on le voit. C'est-à-dire que l'invasion militaire, on le voit dans certaines villes, comme Kherson, entraîne des mouvements de population avec des drapeaux. Alors certes, on peut penser que ce sont des minorités actives, mais ce sont des minorités qui témoignent de leur identité nationale. Aujourd'hui, nous sommes dans l'événement et dans l'émotion. La parole des historiens, des historiennes est essentielle. Et puis, au-delà de ce cas, il y a presque un cas que dans le futur, les historiens étudieront. Ça va permettre de rappeler la vigilance face aux usages publics de l'histoire dans tous les cas. Mais ici, nous sommes sur un condensé. Merci vivement à tous les trois. Anne de Tinguy, La Russie dans le monde notamment, qu'on peut retrouver aux éditions du CNRS. Alexandra Goujon, l'Ukraine de l'indépendance à la guerre chez le Cavalier Bleu, et vous, François-Xavier Nérard, merci beaucoup, l'Atlas historique de la Russie. Merci à vous trois, et on retrouve un spécialiste de la vigilance sur les usages publics de l'histoire, c'est Gérard Noiriel dans le Pourquoi du Comment. Fallait-il rééditer Mein Kampf d'Adolf Hitler ? Adolf Hitler a rédigé Mein Kampf, Mon combat en français, en 1924, alors qu'il était dans une prison bavaroise où il purgeait sa peine après une tentative de putsch avortée. Au total, 12 millions d'exemplaires de ce texte, l'un des plus odieux jamais écrits dans toute l'histoire de l'humanité, ont été imprimés durant le Troisième Reich. Étant donné que ce livre est tombé dans le domaine public en 2016, n'importe qui avait, à partir de ce moment-là, la possibilité de le republier. C'est pour parer à ce risque que les éditions Fayard ont mis en chantier un vaste projet de réédition scientifique du texte. Une équipe d'historiens, spécialistes du nazisme, s'est mise au travail pour encadrer la prose hitlérienne d'un énorme appareil critique et la replacer dans son époque. Ce projet a suscité une certaine émotion, non seulement dans le monde politique, mais aussi chez les historiens. Certains d'entre eux ont exprimé leur crainte que la parution de Mein Kampf chez un grand éditeur ne donne au livre une publicité inacceptable, facilitant l'accès aux thèses racistes et antisémites d'Hitler dans un contexte marqué par la recrudescence des idéologies d'extrême droite. D'autres historiens ont pensé qu'une édition critique de Mein Kampf était souhaitable, mais qu'il fallait qu'elle soit diffusée en ligne. Nous aurions ainsi une importante publication scientifique et un utile instrument de travail sans promouvoir Hitler en librairie. J'avais moi-même signé un appel en ce sens dans la presse. Les partisans d'une parution sous forme de livre ont cité en exemple les chercheurs de l'Institut d'Histoire de Munich qui ont publié en 2016 une édition critique de Mein Kampf. Toutefois, ce qui semblait légitime dans le cas allemand, étant donné que la prose hitlérienne a été introduite dans des millions de foyers à partir de 1933, ne l'était pas forcément pour la France. Sur le plan scientifique, en effet, si ce livre aide à comprendre l'idéologie d'Hitler, il ne sert pas à grand-chose pour saisir le nazisme dans son ensemble. Finalement, le projet d'édition critique aux éditions Fayard a été mené jusqu'à son terme, car les responsables ont estimé que le travail des historiens était plus que jamais nécessaire pour lutter contre l'obscurantisme, le complotisme et le refus de la science. Ils ont ajouté qu'il était déjà très facile de lire Mein Kampf, soit sur Internet, soit en s'adressant à une maison d'édition d'extrême droite. Jugeant impensable, voire même absurde, que les historiens s'abstiennent désormais de publier des documents et des livres qui rappellent les horreurs du passé, ils ont considéré que la meilleure manière de dompter le fauve, c'était d'en parler au grand public, mais en prenant des précautions. C'est ce qui a été fait, finalement, avec la publication de l'ouvrage intitulé « Historiciser le mal », rédigé par un groupe d'historiens dirigé par Florent Braillard, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. L'ensemble compte près de 1000 pages et l'appareil scientifique est deux fois plus volumineux que la traduction du texte d'Hitler. Au-delà de Mein Kampf, cette controverse entre historiens a fait surgir, ou plutôt ressurgir, une question sur la fonction civique de l'histoire. La science historique peut-elle combattre efficacement dans le grand public les discours et les fantasmes que véhiculent les porteurs de haine ? Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Merci à Pierre-Marie Baudouin pour les lectures et pour la préparation, à Marion Dupont, Toscane Vudet, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrin. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.